Le papillon. Un homme trouva la larve d'un papillon dans un cocon. Un jour, une petite ouverture apparut. Il s'assit et observa pendant plusieurs heures le papillon qui se battait pour glisser son corps à travers le petit trou. Puis, il s'arrêta comme s'il ne pouvait pas aller plus loin. Alors l'homme décida d'aider le papillon. Il prit une paire de ciseaux et coupa ce qui restait du cocon. Le papillon put alors en émerger facilement, mais il avait un corps gonflé et des ailes recroquevillées. L'homme continua à l'observer, s'attendant à chaque minute à ce que les ailes s'ouvrent et se déploient suffisamment pour soutenir le corps. Mais cela n'arriva jamais. En fait, le papillon passait le reste de sa vie à ramper tout autour, sans être jamais capable de voler. Ce que l'homme, dans sa bonté et sa hâte, n'a pas compris, c'est que l'étroitesse du cocon et la lutte que le papillon devait mener pour passer à travers cette ouverture étaient destinées à faire passer le fluide de son corps vers ses ailes, de façon à ce qu'il soit prêt à voler, lorsque ce processus aurait été achevé. Parfois, lutter est exactement ce dont nous avons besoin dans la vie. Traverser la vie sans obstacle sur notre chemin nous handicaperait. Nous ne serons pas aussi forts que nous pourrions l'être et nous ne pourrions jamais nous envoler.